Tout débute dans les années 80, 3 kilos à la naissance. Mon département c'est le 94. J'atterris dans les zones, premier signe j'habite dans les blocs. Maman prépare la cuisine calmement, papa charbonne dans les transports les trois quarts du temps. Je me rappelle de mon école, de mes petits potes, de ma petite copine, on est du même bloc. Je me rappelle que tous les étés on rentre au pays, direction Brapanon, grand-mère nous attend. L'époque de la Casantole, loin des grands ensembles de ma capitale. Je me rappelle qu'on vit le bonheur, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Je suis l'insouciance d'un enfant et son instinct. Ici on mange le curry avec la main, l'odeur du lait à chaque matin. Je me rappelle de tous ces petits détails car je sais d'où je viens, d'où je viens et où je compte aller. On brûle l'essence interdit pour de sombres allées. Moi je sais d'où je viens et où je compte aller. On brûle l'essence interdit pour de sombres allées. Moi je sais d'où je viens. J'ai 6 piges, je me rappelle de mon premier cadavre. J'ai comme du mal à pleurer, maman crie, maman prie. Toute la famille s'est déplacée. Ma soeur et moi avions bien compris, quand une personne part on peut pas remplacer. Papa, la solitude est venue me bercer. Année 90, j'arrive à Fontenay, c'est tout plat ici. Je connais personne, en plus ils nous regardent bizarre. Je me rappelle de ma première bagarre. On me fait comprendre que je suis pas le bienvenu bâtard. Si je pouvais, j'en serais pas là. Je me rappelle que le temps passe vite. Dans mon apprentissage, j'ai crié les étapes bien vite. Mes premiers roulages de pelle comme mes premières cuites. La première fois que j'ai aspiré une taf de shit. La première fois où je me retrouve chez les Schmitt. Je commence à kiffer le danger, je fais partie de l'élite. Moi je sais d'où je viens et où je compte aller. On brûle l'essence interdit pour de sombres allées. Moi je sais d'où je viens. Moi je sais d'où je viens et où je compte aller. On brûle l'essence interdit pour de sombres allées. Je me rappelle mes années de galère, ça fume des sbires jusqu'à Saint-Mich. Pisté, je scène le terre-terre, SAX mon allié. Jusqu'ici tout va bien, le bif rentrait. Je me rappelle de ma première branlée, à 15 sur moi et mon refrain. Sincèrement, je me voyais rester, j'avais jamais vu l'asphalte d'aussi près. Je me rappelle de la meuf qui a pris mon cœur pour le briser, cette connasse. Je deviens bestial, à la fois tenace, je ramasse le poids des péchés. Je me rappelle qu'on m'a ôté ma liberté. Survivre à 4 dans 12 mètres carrés. Les au revoir du premier parloir m'ont fané. Un vrai bonhomme est un mytho s'il te dit. J'ai jamais pleuré. Je me rappelle de ma première scène, de mon premier 16. Obligé de vous dire, j'ai frissonné. Moi je sais d'où je viens et où je compte aller. On brûle l'essence interdit pour de sombres allées. Moi je sais d'où je viens et où je compte aller. On brûle l'essence interdit pour de sombres allées. Moi je sais d'où je viens. Moi je sais d'où je viens et où je compte aller. On brûle l'essence interdit pour de sombres allées. Tu vois, tu me rappelles de toutes ces choses qui marquent nos vies, ma vie, la tienne. On brûle l'essence interdit pour de sombres allées. Ouais, c'est paradoxal. On n'oublie rien. Ma foi, gardez la foi. Moi je sais d'où je viens.